بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين إمام الصديقين أبي العباس أحمد ابن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازي برار آخر عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد ابن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في الشرح الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، وينشد قريب الود ذو مرمى بعيد على الأحرار منهم والعبيد، غريب الوصف ذو علم غريب كأن فؤاده زبر الحديد. لقد عزت معانيه فغابت عن الأبصار إلا للشهيد، ترى الأعياد في الأوقات تجري له في كل يوم ألف عيد، وللأحباب أفراح بعيد ولا تجد السرور له بعيد. انتهى إلى آخره. بيت يعني إن شاء الله. عاد شو نجت أبي بس كن قصون نيو تسانو. لينا خلنا معي بالوايو. نعم نياري تسان لينا خلنا نتني نيو نيو يتح. نيت كي ديمون دي أم بين استابيليتي. ci halatu manam mushahada bob manam ku nekké ci contemplation bu permanente digëntem manam ak borom subhanahu wa ta'ala tajal yi yimi def manam feñu bu koy feñu subhanahu wa ta'ala et que à chaque fois muy mënd sa monté téggini ak acte yi nga xamantene mom la place bobu la tajal manam ak jamono ju nek instant bu nek li borom di nam ci mom ak li muy gis li liko borom bi di feñ mu koy mënd di ak mu koy mënd di recevoir e que lolu ci sanam ñaari mbir la ñëk bi mom moy ngay jakkalo tout temps hadaratul hadara yalla bi manam diko gis ak sey beut deug deug ni mu nekké manam kon lolu légui lolu moy hala mushahada biñ doon wax mo c'est contemplation permanente wala le témoignage ñaaral bi mom moy mahabbatu zatul ilahi manam al azat al muqaddas manam borom subhanahu wa ta'ala deug deug mom moy kan manam ki manam nga sop ko ci jëmmé bopam manam ni mu nekké borom bi ko sop ko mom borom subhanahu wa ta'ala sans lene mais e que lolu amul manam arat moy gar manam do ben phénomène motax wala ben affaire motax wala ben ki c'est pas parce que par exemple daf lay jox xiwul gu yaato ke dang koy bëgg du lolu do way sama borom bax way tay ni may ki man ni may gisse ni may jappale nangam du lolou motax parce que lolou gar la yo batay bu gugo ko ngir bopam manam dang ko beug ngir say intérêt manam ngir mi ngi lay fajal say aajo ngir yoy lolou amna différence entre mo beug ko ngir lola mais cependant beug gogou mom la yent bi digel sallallahu alayhi wasallam pour ñu diko beug mais awami c'est à dire que awami ñom loolu lañ xam manam mënuñu leneen manam fimu tollu bo leen bëggul woon yalla ngir sans dara duñ ko man parce que motax mu ne la bu jëk bi moy ciosan ñaarël bi c'est à dire que bu jëk bi mom motax ba ñaarël bi mëna nek awami amuñu loolu amuñu bu jëk bi amuñu bu jëk bi voilà manam moy amuñu di am mushahada bob manam di contempler yalla à travers toute chose à travers qui donc ça veut dire diko contempler à travers ay tourum ay melom manam nek donc ci xalat mushahada daiman manam nga xam sa su nek ngi jakarlo borom subhanahu wa ta'ala lolou awami manou parce que dafa so xamuñu ko sax en fait sans le traverser même pas l'esprit en fait du len traverser sax esprit bi xamuñu lolou moy lan même lolou soko wax di compliquer ci ñom ba nga xamne ils arrivent même mal à se le représenter manam pour ne rek voilà mushahada manam c'est contemplation non mais ça veut dire quoi lolu lan la manam xamuñu ko voilà manam benen aduna la c'est à dire que ñom lolu benen aduna la ci ñom donc ñom kenn du len wax lolu mo tax yentou sallallahu alayhi wasallam ni len bon legui yeen de len bëgg yalla ngir xéewal yu len di defal voilà c'est ça parce que xam nga nit ki dañ ko moñé non yalla da ko bindé non moy day bëgg en fait nit day faral di bëgg ko xamantene dafa am mbir yo xamantene souvent mom moy waral ak bëgg bokku na ci cause mom moy comme le jubilal insanu ala mahabbati man ahsana ilayhi manam nit ki dañ ko moñalé ci muy bëgg ki nga xamne moy rafetal bi jëme ci mom so bëré lu ñu rafetal bi jëme ku nit ki motax par exemple nit ki di bëgg par exemple médecin bi ko fajj lo tax muy am un amour par rapport à son professeur par exemple voilà voilà par rapport ak peut-être ndayam ak bayam parce que ndariñ giñ ko amal et cetera manam ak d'ailleurs ak d'ailleurs khalis khalis bo gisé nit ñi bëgg ko lool la ndariñ giñ leen di amal la voilà et cetera donc hein léla tamit dinañ bëgg ngir tar manam ngir rafetay manam nga gis ne bëgg ko parce que tout ça ma dafa rafet lool tamit day am manam nga bëgg wala ben dabba ni ben animal parce que dafa rafet wala fleur parce que dafa rafet tout simplement moy jamal bobu tar bobu léla dana tax nit ñi ñu bëgg ko léla tamit dinañ ko bëgg nit ngir yeneen qualité comme par exemple ngir ay qualité yu ma amé yo xamantene même nit ki bu la amul ben ndariñ dang koy bëgg rek ngir qualité bobu lol tamit day am par exemple sëriñ ci nitu yalla yi et cetera nga gis ni nit ñi di bëggé nonu naturellement sans pourtant ñom ñu jariñ leen sans ñu xam leen sans ñu bokk jamono et cetera mais ñu am un amour ben ki par rapport ak ñom wala ben affect ki affection ben voilà bëgg go yo tamit day am day am tamit bëgg bo xamantene do ko expliquer c'est à dire que amul lutax manam mbir mi dang ko bëgg ngir jëmmé bopam bo mom la xalé yi di am souvent xalé yi bo fara souvent lañuy faral di am xalé day bëgg morom ñom seen biir dañuy gis dañuy bëgg morom xalé yi dañuy gis ni sans am intérêt sans am ben ndariñ sans mu am ben leneen manam dañuy gis xalé bu gisé morom xalé wala ñu mën di nek bëggante nonu amul dara manam ngir seen jëmi bop rek lañ bëgg wala bobu mo gën bobu nak pour borom bi subhanahu wa ta'ala pour nga mën ko am bobu amna par rapport ak borom bi loolu la wax moy ñaaral tout ça mais pour mu mëna né il faut que nga am xaalatu mushahada bobu parce que ko xamul do ko bëgg ko gisul par exemple man buma xamul né par exemple amna benn way bu tuddu Frank bu deuk Espagne à Allemagne xawmu existence am munu mako bëgg parce que numay xamé dama dul manam numay xamé numay bëggé ko xamné hatta turum xawmuko voilà deng kon lool la wax né manam kon lool ci lay mëna nekké manam halat mushahada bo su amé ñaaral bi dina mën nek su lolu amul du nek mune wayun sadu motax way nañ ne qaribul wajdu marma ba'idin ala al ahrar minhum wal abid manam ñu mel non qaribul wajd aji jegeñ miñi manam ma min mel ndax dañoo dacc yalla ci seen xol man ndax borom xol dafa nek ku jegeñ ci ni ñi dajé seen xol ñom tamit non lañ mel du marma boromi dayal ak bëgg mais ba'idin yu sori manam ay nit lañ ñoo xamantene manam ku mel ni mom non lay mel manam dafa nek ko xamantene mar manam moy ay bëgg-bëggam ay nam-namam ay objectifum dafa élevé manam ay ambitionam dafa kawé moy wahimati wajhul jalali voilà nan la ko nan la tambalete saraftu himmati wala himmati rijal wala okay saraftu himmati li wajhi zil jalal wa himmati saraftu himmati li wajhi li himmati rijal wala saraftu okay saraftu himmati li himmati rijal wa himmati wa himmatu rijal wa himmatu rijal wajhi zil jalal okay ya kana du bu ci di waxana saraftu himmati li himmati ar-rijal wa himmatu ar-rijal wajhu zil jalal wala lol wala parce que lolou mom la señ bi waxon radiyallahu anhu bim nan manam sama yitté sama ambition dama ko dak dama ko labali ko labali ngir mu jëm ci yitté yi goor yu mag yi goor yalla yu kawé té goor yalla yu kawé seen yitté ben affaire moy jëmmi borom magay bi upp xalum bi subhanahu wa ta'ala wala moy ala himmati mom la seen mom la même chose bi seen Touba waxon fofu da dara mom la seen hajj man ko fe da ala himmati faj'al ilahi aliyyaka li amsirtu ghurran khalisan kullu wijhati yow sama yalla ma ngi lay ñaan ala waawi ala yugo may gëna ala o himmati sama yitte yalla faj'al yalla nga def ko ilahi yow sama bur aliyatan mu nek lu kawé sama yitte def ko mu kawé bam balan lan moy objectif kawé wu yité bi mune li am surtout bu ko défé ma mana mujjé bok nek ko xamné ghurran damay wéx tal né pel manam moy set wéx khalisan wala wax ghurran wéx tal manam moy ak pel khalisan bu sel nga xamné amul lu dafa intrinsèque en fait amul dara lu ko rax manam moy jam bo xamantene duma nek jamu dara duma nek jamu alal duma nek jamu nit ni duma nek jamu aduna duma nek sama jamu bakkan duma nek man duma nek jamu dara jamu yalla lay don bo xamne strictement jamu yalla la man duma nek sax jamu wut daraja wala jamu daraja ak lu daraja daraja ba ci daraja yu jujum ci walu yalla maqama duma nek jamu fatho duma nek jamu kasfo duma nek jamu ay karama duma nek sax jamu xam xam duma nek jamu fiñ duma nek jamu neubutu manam nek ko xamne da ngay manam yow da ngay bëgg dede jamu yalla rek ghurran khalisan deng intrinsèquement manam moy lolou moy intrinsèquement c'est à dire que un caractère inhérent lay don ci man ni la mel manam moy man jam kessé la duma lenen kullu wijhati ci gep walla tout bord tout côté boma xolé intrinsèquement man ben affaire rek la moy jamu yalla la lalu yekiti sama yitté bam mel non bama mana mel non c'est ça sal lol wala ngeng lol la kon zumar ma ba'id lol manam moy seen yitte yu kawe yoy lol la ala al ahrar manam motax ci kaw gor yi minum ci ñom wal abidi ak jami manam ñom kon ñom mbolem ñi nga xamantene ay gor lañ di borom xam xam yi ci nit yalla yu sel yi yep parce que ñom lol lañ wax ahrar motax ñu wax non lan man quburul ahrar quburul asrar nana qulubul ahrar quburul asrar wala qulubul ahrar quburul asrar wala xolo qulubul ahrar moy gor ya ci yalla wala gor yi moy luñ doon wax sank ci gor ngay def luñ doon wax legi ci gor lool moy gor deug pire gor pire lool la lenen lu lool du gor en réalité du gor manam gor bi manam parce que ba legui goré go hein ba legui yaangi am lu la japp ci saw loss dila mené fek yaangi am lolu xamal ni nek go gor yaangi nek gor ke bo neké jam bo neké jam rek ngay nek gor manam ah jam yalla motax nit ñu gis nga jam mom la mom il est comme ça jam mën ta nek leneen lu dul jam wala bu fi jeme nek leneen lu bokut ak jam day nek jam ak lam bëgg juk ci lam lay di nek jam ak ci lam jëm te du ko taxa nek te du ko téré nek jam ku nek jamu bakkanam ay passion ay pulsion ay bëgg bëggum koku jamu loolu la et que bu jappé ni gor la c'est parce que tout simplement comprendre lu li xew gis nga bis bo demé en fait leg leg nga gis nit ko nan la way man comme souvent bo xolé sax kaawu jigen ni par exemple voilà ni ma neex lay solo ni ma ki nangam je me sens bien comme ça c'est pour qui en réalité c'est pas vrai en réalité société bi moko imposer façon bu solo moko imposer ni ko del solo ni et que li moy liberté c'est à dire que elle est influencée man dañ ko influencer kiko influencer moy société bi moko influencer ne ko bo melé ni ci gay correct manam lolu c'est une influence de la société bu mu yakar né mom mo choisir c'est mon choix c'est pas vrai du choix hom bene du choix hom société bi mo né ko non da ngay xam nga ni ngay def bo bëggé libre ni ngay def so bëggé libre mais conception ou liberté bobu ku ko jox c'est la société voilà donc mom mënul taxaw né man dama libre motax même nit ak ku mëna don nak bu taxawé né non man mom ké duma influencer quoi man mom nima ki manam même cette façon d'idée rek manam le fait que tout simplement ngay xalaté nonou rek lool rek influence la influence société bi le fait que rek nga nan way man mom ken duma influencer quoi manam ce simple fait influence peuple influence milieu bi ngay dund la parce que ñom ñolay gëm lo ne la manam da nga wara voilà da nga wara doxale ni et que bo deful lolu tu es mal vu c'est à dire que da ngay c'est à dire que tu es vu comme un sujet comme étant quelqu'un bo xamantene al topé nga voilà mais moment bobu non yaangi nek yow tamit al topé mais sauf que al topé wu masse bi nga do al topé wu minorité certes mais al topé wu masse bi nga voilà moy im voilà moy imman moy khalbi la yakun ahadukum imman in ahsana an-nas il ahsana an-nas ahsan wa in asa'u asa' di yenté bi wax salaam bu kenn ci yeen nek al topé moy imman moy al topé bu kenn nek ci yeen al topé mais bu nit ñi rafetalé ma rafetal bu ñu ñaawalé ma ñaawal lool moy al topé voilà gisulo né motax amna lepp wolof di lepp hein lepp bobu baxul buma démé ci dëkk fekk nit ñepp wa damay démé ah non dédé simulation voilà non duma def yaramu neen ak ku deful yaramu neen boba yaay dof bi ah ya yaay dof par rapport ak ñom mais dans la réalité yaay ay nit ki parce que nit liñ ko xamé moy sol yéré voilà exactement kon lool la manam kon ñom la légui gharibul wasi manam aji tumranké melo la parce que xam nga ku mel nonu manam ñi xéetu nitu yalla yi dañu tumranké melo c'est-à-dire que mëno leen catégoriser fenn lol motax ni tum ranké gharibul wasf zu ilmin borom xam xam lañu xamné gharib ni tum ranké tamit zu ilmin gharibin borom xam xam ni tum ranké borom xam xam ni tum ranké la tamit lol la tamit sa dire que day yor xet xam xam yo xam tane en fait da fay tum ranké da naka kenn duko xam wala ka anna kim ne fuadahu manam deunam manam xolam fuad moy xol en fait moy fuad wala mo sadr dafa am kalbu am fuad kalbu sadru moy deun bo xolé alquran mom lay melale ci ne mom moy yaatu aka teju gisoma ka anna ma woman yashrah nako do xata ومن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء لول موي صدر كيب كو خامتاني يالا داكو بغا گيندي يالا داكو نما گيندي داي ياتال دنم نيل الاسلام كون دن بي موي ياتو داي ياتال دنم نيل الاسلام موم لا القران تودي مشكات مانام موم لا ملاله كوم ايتان مشكات moy niche simna allah nur sama raad mathal nuri manam mathal nuri misaluk leeru ya gis nga qaida bobu ne leeri gis nga aya bi leer yoy nek ci aya bi bokku ñu li ñi tekki parce que ci même aya bi lañ nek comme niñ ko waxe won voilà nur bele kam mishkatin fi manam moy misaluk leeram ci deunu nit bon borom xoxo rahmatullah dañu wuté fofu ci bir manam mu fasiruné dañuy wax né xol bobu nonu yalla di melal manam deunu bobu manam ay bobu parabol bobu deunu yenenbi sallallahu alayhi wasallam la yalla do melal voilà am tamit ñu wax né non en fait deunu julit yépp non la du deunu julit yépp mais bon que ni bu yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy le produit parfait voilà légui kon deun bobu mom la yalla melale comme étant niche bi misbah fiha mishkat moy misbah voilà mom la melale comme lampe bi bok lampe bi voilà lampe bi gis nga lampe bi fiha mishkat dafa am ben niche ci bi mishkat fi zujajatin manam misbah non lampe bi moy li nek moy li nek ci bir voilà fiha nek na ci bir lampe bobu ci bir manam mishkat moy niche bi li tax affaire bi ni tak lol nonu l'ensemble mo nek fi sujadjat nek ci verre bi voilà ensemble mo nek ci verre bi nak moy deun bi voilà verre bi moy deun bi voilà mom la yalla di melale comme étant da fay yaatu wala moy xat voilà motax même bu xolé ni verre bi bu gëna yaatu da ngay gis lampe bi day gëna tak comme néon yi comme voilà projecteur yi da ngay gis etc donc voilà la bu donc deul nit mom la yalla melale comme day yaatu wala moy xat mom lay wax ko le ci dekk rabbi shrah li sadri voilà xam nga waxul sama xol xal bi dire ishrah yaatalam manam ubil sadri sama dan ak lan alam nashrah laka sadrak alam nashrah est ce xaru manam yaatalu ñu won sa xol moy xar gogu xar yaatal donc moy inshirahu sadri inshirahu sadri voilà moy yaatu xol ak biqu sadri manam yaatu deun ak biqu sadri xatu deun voilà yefir bi mom deunum day xat c'est que julit bi deunum day yaar kon lol moy ak sadru deun Poitre. Voilà. Mu am lu ñuy wax xol moy al qalb bobu xam nañ ko xam nañ ko jom nit wa mais fuat moy mous mi yëngal moy moteur bi yëngal xol ci bir moteur bu liko yëngal ci bir lolu moy fuat xol ben muscle la bu def ni mais ci bir amna système buy pomper di yeungal xol lolou moy fuat d'accord ah ana li sabita bihi fuadak voilà alquran bo gisé ñu wacc koy moy pour sax manam lolou di yeungal xol ci yow dal motax waccé lo wuñ ko yépp alors que xol mom manam bo xolé fuat kon al isbat lako melale manam moy stabilisation alors que manam boudé xol tumanina lako melale moy li yatma in qalbi ngir sama xol dal manam quiétude donc c'est le qui se stabilise le fuat nak donc ki moy le système là bi nek ci bir voilà donc mom moy stabiliser wu alors que bu fekente ne centre wala xal budé xalbu mom lay liyatama in qalbi ak ala bi zikrillah tatama in al qulub voilà c'est la quiétude mom quiétude lay am ah alors que centre mom inshirah moy yatu ak khat d'accord c'est à dire que nako lañ koy waxe khat c'est l'étroitesse étroitesse voilà légui ak dekh moy étroitesse manam moy ak khat légui largesse peut-être wala ouverture voilà ouverture voilà élargissement ouverture voilà donc yoyu voilà donc day guiss né fuat mo né ci bire bir voilà voilà motax mo nek anna fuaduhu zubarul hadid gis na comme manam xolam manam comme weñ la ni manam ay voilà laqad azzat laqad deug azzat manam fo bu ngay gis ne moy miskat bi fuad bi moy miskat bi manam moy niche bi nek ci bir la ci bir lampe bi Voilà. Gissou mouné ka annahu kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin sa la sharqiyya la sharqiyya wala gharbiyya. Voilà. Bon lolu après yeneen ci la laj yu parce que no motax ay bu yewi la ay bobu surtout ay tout nous bon. Deng laqad deug azab jafena. Maani wala jafé no gis wala manam lu jafé gis lu rar la maani wo mana yi nek ci mom fa ghabat motax mu dadi mujjé faddu anil absar wal lif gis gis illa lulul li shahidi ñel ki koy ki jakarlo mom seul le témoigner ki nga xamné moy jakarlo mom rek mo meuna xam mana yi nga xamantene mom mo nek ci genre nit yoy c'est à dire il faut nga bok comme ñom lolo tax genre yoy moy afrabi surtout ak ñu mag nit ñom kenn rek mo meuna nek ak ñom moy afrad ni ñom fardu na ñom rek wala bok ku yalla may vraiment ki lool pour nga meuna bok ak ñom pour nga meuna nek ak ñom il faut mu may la deug manam souvent en tout cas il faut nga bok ci ñom wala bok nga nek genre bo xamantene approprié nga pour meuna nek comme ñom parce que sinon do meuna mel comme do meuna nek ak ñom do meuna résister ci seen ñom niñ mel ndax yalla da leen jox ay xéeti xam xam yu tum raaké yo xamantene niñu mel non rek ñom rek ko mel ba para dañu am ben xam xam bo xamantene mom lañu am bo xamne yeneen nit ñepp xamuñu ko moy bok na ci li tax ñu leen di tuddé far afrat farl ñom yalla mi ngi leen amalé ci turum bobu ñu wax farl al farl voilà motax ci ci hadara turu farl bobu fa lañ né son singulier le singulier ci hadara turum bobu fa lañ voilà motax ils sont mais extrêmement exceptionnels. Voilà, quel nous l'aime situé. Bon, mais non, c'est un critère, l'on règle moins. Moi, dans la gamme, la nuque, c'est voilà. Voilà, non, voilà, moi, voilà. À mon qui dans les spécificités, bouquet. Vous nous présentez, qu'en vous l'en remarquez, vous nous absentez, qu'en vous l'en doux. Parce que voilà, parce que amouni Une question. Nous avons une présence diwan. Ouais. C'est obligatoire. Ci ni fa wara tew wala est-ce que c'est facultatif wala ñom mënañ baña ñew. Wa lolu waxon na la ko jotaay bi wess dafa melni. Manam dafa am afrad yi ci bir diwan bi dafa am 8 lañ. Voilà dafa am ñent ñi nga xamantene ñom ay afrad lañu nonu mais mu am yeneen ñent ñi nga xamne ay mafatihul kunuz la mafatihul kunuz ñom tamit ay afrad lañ et que ñom amuñu ben rigueur buñ leen di tenir ci dara parce que kenn yilif wu leen ko dul yalla ñom ak al alina min al malaikat ñom mel non li tax nak ñom ak al muhayyimuna yi ñu wax al muhayyimuna nga xamantene dañu teyé ci yalla teyé moy shiddatul hayra manam moy ak jaxaso ak ngeulemte gu tar sop giñ sop yalla bëgg giñ bëgg yalla rek motax ñu leen di wax alul mahabbata tam lo tax ñu leen koy wax ndax teyé gog ñu teyé ci borom bi subhanahu wa ta'ala manam ngir sop ko sop gu tar jurom ñet ñooñu sen xol dañ ko modelé comme jurom ñet ñi nga xamantene ñom ñoo téy arash malaka yoy ñu leen di wax tamit al kurubi al karubiyuna wala ñu al kurubiyuna ñom non lañ mel et que xamuñu leneen dañ leen al muhayyimuna tamit ndax xamuñu ndax téyé gogu ñu téy ci téyé ci yalla xamuñu leneen loolu yalla lol mom motax afrad yi xamuñu leneen loolu yalla amuñu ben kilifa koodul yalla qutb bi rek mo leen di gis ci diwan mom kessa ñom dinañ gis ñepp dañ xam ñepp buntu biñu leen di jaara rek buñu ñew du bok ak yeneen buntu yi gaay ci dess di duggé ñu leen di ségg ak di ki def yef xol ba xam ñu dedet ñom benen buntu buñu ubbi ci ginnaw fofu lañu jaara ñew tranquillement wala ci kanam plutôt fa lañu jaara ñew khutbu bi gis leen xamne gaaya ngi jeexna fa lay am ak ñom amul kiliftef ci seen kaw amul dara ci seen kaw heure bu leen neexi lañuy ñew bu leen neexi duñ ñew té mbolem lu fa xew da lañu leen rendre compte De toute façon ñom dañuy gis lepp ak fuñu mëna nek de toute façon dañuy gis lepp momentanément instantanément et simultanément de toute façon ñom amuñu problème voilà amuñu leneen motax ñom xamuñu loolu yalla en fait d'accord et que ñom yalla rek lañuy gisé yalla lañuy gis en fait ñom luñu gis tour yalla lañuy gis une infinité de nombres et que à chaque fois dañuy découvrir yu bes tamit té ci lay lañu nek ñom nekkun ci lénéna and ak lool yépp dañu am capacité wu waccat waccat ba mel comme yeneen nit ñepp lool bokku na ci li gëna tum rank ci seen mbir le fait que tout le temps ñi ngi yé di découvrir ay touru yalla et que aduna bi ñom buñ koy gis duñu gis en fait ñom duñu gis comme li ñi gis ñom tour ay tour lañu gis mais le fait que ñuy waccat touru yalla lañu gis diko découvrir diko ki di jakarlo mom nek ci musa da gog diko contempler et que tour bu nek dañ koy tour yi tamit dañ koy mos ñom mom dañ koy zaw dañ am zaw voilà dañuy mos tour yi voilà pour mëna xam tamit lan voilà lenn lu ci nek mais et que après à chaque fois il revient sur hein et simultanément il revient sur terre c'est-à-dire que en même temps que ñi ngi yé en même temps ñi ngi wacc té du jeex ba abadan c'est-à-dire que ba bir aljana ba abadan sen ñom duñu jéxal lool duñu jéxal ci xal bobu ñu nek du jeex amuñu leneen luddul yalla wa ñu et que maintenant ku lool mom motax mom lool mom motax mu ne dañu neubatu ci beut yi c'est que beut nit ñi manam motax mën nga tok ñom bokk kenn ci ñom jotay nit do ko xam abadan ak lu mag nak sax ñom budé wali yu mag la ni ba ñepp xam ni ki wali yu mag la bu bokké ci ñom do ko xam parce que donc dul mëna soutenir lool motax doko mëna soutenir ci sé que afrad yi mi ngi raw ci ñom moy benen affaire bi bon en fait ay catégorie la ñom manam fi ñi may wax ni afrad yi moy wa ahlul itlaq yi lay wax moy les 8 les plus gros voilà hein moy 8 non 8 yi nekk ci diwan bi non amna ñeneen ño xamantene ño gëna mag encore amna ñeneen ñom ñoo gëna mag encore ñoñu même wa diwan du xamuñu leen té ñom xamnañ leen dañ leen di gis luy xew ci diwan bi d'ailleurs mom moy comme exemple biñ joxon jotay bi ku dekk présidence nga xamantene mom président la ko taf ci bopom mu nek un grand voilà nek un homme influent auprès du président conseiller amul salaire caisse noire rek la am bo xamné kenn du ko auditer kenn du xol kenn du ko régler kenn du ko amul dara amul responsabilité ni non plus c'est-à-dire que dara do xew bañ ni bu peuple bi am dara lu muy casse ci ay mbirum parce que mom wala président am ben dan bu mu koy tek parce que mom amul responsabilité amul ba para président moko bëggal bopam rek voilà loi bu ko niixu du do assemblée nationale man duñ ko voté ñom genre yoy lañ quoi ñom amuñu leneen en fait et que peuple bi duñ leen xam parce que ñom présidence lañ né fofu rek lañ né média yi duñ leen filmé kenn duñu am interview télé wala radio parce que de toute façon amuñu ben rôle buñu jouer bu spécial voilà train de vie bu len neex lañu am tout simplement parce que amuñu salaire caisse noire gi moy sen salaire eux lu len ci neex lañuy jël def ci té après kenn du len wax né nañ xol budget état bi dafa bëri nangam et puis yow ana sa xal fokoy jëlé nañu régler nañu amul tribunal amul dara ñom amuñu lool amuñu lool voilà non rien de tout ça et que parfois wa assemblée nationale mën nañ leen baña xam voilà gouvernement sax mën nañ leen baña xam voilà voilà moy voilà ko bu yeek ki wa diwan bi la bëgg wax wa diwan bi duñ leen xam parce que ñom dañu nekk ci secret borom bi deug comme ñom ñom ak al aaluna min al malaikati ñu nuru parce que ñom ñoo raw sidiquna xam nga sidiquna ci ñom en fait ñi sidiquna yi ñom ñoo nek ki après ñom ñoy ñew après yenenti yalla mo sallam mais ñom ci digënté sidiquna yi ak yenenti lañ nek ñom digënté bobu lañ nek bo d'ailleurs ñom amuñu maqama sax lenn lañ am moy ay jaamu yalla lañ te jaamu yalla ay kessé nak amuñu lenen dinañu respecté sharia dañuy respecté sharia di ci top diko régler diko kiyok yoy mais fa la yom c'est à dire que bu fekkante ne nit ki parce que amna ci ñom benen groupe bu restreint ci seen biir moy ñi gëna mak ci ñom yalla da leen di waccé wat après parachuter leen ñu waccat pour jarign nit ñi ñoo amna comme ñom voilà ñom cheikh tidiane garin seyd abdou khar jelani et cetera waxon na ñom ibn abbas dama zain abdin ñom seigne touba ñom seigne hadj malik ñoo lay cherif bi ñoo wala dara ñom non lañ mel ay nit ñom même boudé bokku nañ ci ñoo mais comme ñi gëna parfait lañ ci ñom ñom imam ahmad et cetera tolale rabbi allah do ñom même boudé ñi gëna ñoo ñu kawé lañ parfait ci afraad yoy mi ñi gëna parfait ci ñoom lañ leg dañ leen di waccu wat amna ño xamne yalla leen di téwar fofu quoi comme exemple buñ joxewon tamit leele de temps en temps assemblée nationale ki ak yoy ñu né bon legi yow mi nga xamne ki bayima yobul fele yow gis na ni am nga compétence ak nangam ki mu yobul en attendant nga jouer mo rôle bobu ci assemblée bi wala nga jouer mo rôle comme di waji def ki Macron Macron niñ ko def xam nga bimu nekké fule gaay xam ñu ko nekké président Élysée voilà mais affaire yi doxul finance bi doxul économie bi ñu né bon écoute yow demal nga dox ci affaire bobu c'est ça dire que président voilà après buñ kiwé bu affaire yi kiwé ñu jëlat ko indi wat ko ci présidence voilà ñu continuer limu doon def exactement c'est à dire que ñom genre rek ce qui veut dire que bo bok ci même ñom même ki gaay wali ci bop dañuy am problème bu déterminer yow ko fo bok yow kan la té lepp lu wali yi ci dess xam ñom xam nañ ko lepp luñu am gis ci ay lèr ak secret ak haqaaq yi ñom xam nañ ko japp nañ ko téy nañ ko bam dess peut-être khutbu bi par contre mom dina ma spécificité yo xamne ñom duñ ko am lool mom motax khutbu bi nek kilifa ak du aduna bi nek jamono manam kilifa jamono moy xawsu mom dina am ay spécificité yu muy am yo xam tane ñom duñ ko am mais téréwul ci même affaire bi comme par exemple amna yo xam tane comme par exemple touru ismu jalal bi nga xamne moy taxaw ci maqam sayyidina abdu karamallahu wajhu par exemple bob kudul khutbu du ko xam ku ko xam c'est parce que da nga nara nek khutbu mais ñom dañ koy xam mais après nak sauf que réalité yi ñi dund ci tour bobu modul bok ak réalité bi ci xol bu di dund manam ñoy wuté nak c'est à dire que wallu yu bo gis ci wallu yi ñom dañuy xam tour bi tour yi nga xam tane ñom ñoy sa spécificité xam nga wallu yu lool la c'est à dire que yow bo yegg ci maqama yi groupe bo bok dafa am ay touru yalla yu la yalla xama tour yu yo xam tane yow rek yeen nakoy xam ñi bok ci seen groupe bobu yeen nakoy xam ku bokul ci yeen du ko xam bokul ci yeen bu ko xam mais ñom gaay yi ci dess yépp seen tour yi ñu xam kenn ku ne ñom dañ koy xam ba paré amna ñom tour yo xam tane ñom dañ koy xam keneen du ko xam ñom rek ko koy xam ñom rek ñoko parce que c'est spécificité la ñom té yoy yi may wax nak yi yépp kenn du ko bind ci keuyta té lamine du ko tuddo kenn du ko bind ci kayit te lamine du ko tuddu ci xol rek lay nek jeex wala nga tax ñoom lool la d'accord donc mu dañ tew comme ni baña tew fan ci diwan waaw den ba pare attention kou len neex meun nañ ko yobbu fofu kula neex mën nañ ñu ko bon légui yow xaaral ñu jël do yobul ci diwan mais attends donc système de cooptation bi waaw par rapport ak ñeneen ñi xamné dañ di enquêter tout ça xol leen waaw ñom ñoo spécifique jël kula neex ko ah way non mais attends c'est à dire que aussi ñom comme ay jam lañu aussi dañuy xam nga loolu la tamit c'est à dire que dañuy top règle jam xam nga jam rek la jam mom li borom mo bëgg rek amul leneen loolu tamit manam du genre ma tay dal manam ça dit que du par plaisante par ay nu tuddu complaisance ay complaisance du lolou hmm du complaisance aussi parce que lolou su don lolou kon sen dom yi lañuy jël t'inquiète pas affaire bi du lolou voilà non bu don affaire yi complaisance kessa la non mais kon sa dom ngay jël hein et que après diex na keneen du ko nek luddul sa dom wala sa sep voilà wala sa mbokk yi ngay jël rek dajale ñoom ñepp rek yobbu ci diwan bi ni acca ñi ci dess nañ non affaire bu deme non dama dafa am ay règle est ce que am ngeen diwan bi dafa am ay règle yo xamantene obligé nit ñi top manam par exemple am na ño xamantene dañuy taxaw par exemple taxaway Seyd Ibn Arabi hmm do dal am ñoo xam tane dañuy taxaw fofu taxaway Seyd Abdou Kader ak Djili ak yu mel non ñoo xamantene ay Seyd Abdou Kader Djelani do dal ñooñu non dañ fi am seen représentant ba ligi ou c'est à dire que affaire bi non lay démé mais que gouvernement bi manam c'est une république tidiane manam diwar bi république tidiane la manam c'est à dire que tidiane ñoo fa upp mais téréwul c'est à dire que mënuñu manam duñ né rek comme tidiane ki rek voilà ci gaay yépp ci cheikh day ñëw rek rédère té affaire xamu cheikh moy duggal fofu gaay moy recruter c'est le recruteur c'est mom moy recruter moy falaté moy jël nit di duggal et cetera mais and ak lool yépp du né rek lool rek keñ tidiane rek lay ñëw rek duggal dafa am ay règle tamit yo xamantene dafa am ay règle numuy doxé aussi d'accord voilà dafa am ay règle quoi d'accord voilà dou voilà nombre précis xamantene voilà c'est mais bon xolal gouvernement tay buñu amé ben ki gouvernement de coalition de majorité voilà majorité présidentielle da ngay gis du né rek comme man sama parti kessé lay jël rek def leni ministre wala ñom rek ñoy nek député affaire du non voilà c'est que lool la tamit ko ki comme affaire spécifique ñu am diwan bi 8 yepp la wala mu parti ñenti mu parti ki non ñu ni poko comme la mais comme le fait que manam comme kenn du len xam fofu wa sa len nexe ñew wa ñom ñoko am ñom ñep voilà ñu ñep am nañ spécificité bobu amuñu kenn amul sen ki ba par tamit amna comme ni souryan ni ñom rek ñokoy deg ak khutbu manam set khutbu ak duwa diwan bi yepp deg ma fa ak souryani du ku nek ci diwan bi rek xam nga luy souryani de d'accord dede lolo tax ñu bari ci ñom duñ ko lak xamuñ ko mais voilà ci afraad ñom ñokoy xam ak khutbu ki nga xamé ni cheikh bi ku graw ku kaya D'accord. Ah. Si. dengu muna ci way muna tara da ngay gis al ayada manam moy feti ayat fil awqat ci waxtu tajri di daw waye mom loho ñel nako fi kulli yawmin ci bis bu nek al fa'idi junni fek mom manam moy loolul jeex ci fet c'est à dire que da ngay gis nit ñi kenn ku ci nek day am jouru fetam wala jour sangam ñonte bëss ki moy fet ko la tay fet wala yoy wala bo nga gis leen par exemple ñu nek ay nit ñoo xamantene jour bobu mom dañuy am lu mag lo xamne dañ nan tay fet la mais ñom ci jour bi am nañ ci jouni fet c'est à dire que ils sont tout le temps en permanence ak ay affaire yu graw yu leen di yu ñuy gis yu ñuy découvrir yu ñuy am yu ñuy xam yu leen di feñu yu manam lolu c'est leur quotidien en fait et c'est tout le temps donc ñu dara ta lox bi c'est voilà continu quoi exactement ça voilà ça dou ñu amuñu lolu lolu bu ray walal ahbab ñel na soppey afrahun ay mbitté yu reuy deng nga manam fax afrah mo farah mo lolu muy mbitté go xamne day and ak sax jubilé di jubilé ak yoy exaltation afrah bi aidin ki affaire buñu am ben mais ñom wala taji do daj asurura mbitté leho ñel ko bi aidi ci ben fait ça dire que malgré que c'est une situation bobu ngay gis nga xamne ñeneen ñi ñom buñ ko am affaire bi doy rich ñom et que ils sont exaltés ils sont voilà dans la jubilation etc non ñom do len gis ñu jubilé c'est lool day bok na ci lool len xam parce que voilà comme liko wolof yi di waxe rek ñom ay nitu biir lañ voilà parce que ci biir exactement nga wolof yi dañuy wax né li gënaar gi lek ba tax muy tepp di dal xarmi lek na lu ko ëpp te muy nimit motax day ñom liñuy feñ wala lool bok na parce que liñuy feñal ci biti rek moy seen diiné jaamu yalla top li yalla bëgg nek ci lool jeex na a part lool duñ feñal lenen bo xele wala a part lool c'est wala wala c'est très rare ci kenn ci ñom ni muy def ay xarbaax par exemple c'est extrêmement rare ci ñom mënna len arrivé wala bok presque tous les jours sen dundou yep nek kéman mais que day daw ci sen kaw comme ñom genre comme ñom en fait ay complément d'objet lañ ñom yalla da len utiliser rek ñom du ñom ñoy def yalla moy def à travers ñom donc parfois mu am ci ñu yalla tan ci ñom ño xamantene sen dundou yep kéman la and ak lolu yep ñom duñ ko sax yek parce que tout simplement yalla rek lañ nekkal amé nak lu upp ci ñom duñuy faral di def lool dañuy gis ni and ak ñoo dakk ma la def ki yamal ñepp mais duñ ko def wala intaha fofu leer dem legi ñi ngi kon yamone ci yaqutul haq ki wi moy fa sallallahu alayhi ci ki la salatu qadi fa sallallahu alayhi salatan kamilan tamatan bika wa minka wa ilayka wa alayka manam yalla nga julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam julli gu mat sekete motale ko manam ci yow tuk sukandiko ci yow tukke ci yow jëm ci yow ba pare ci sa kaw wa alayka legi nak wa alayka goga mom lay mom lay leral mune qawluhu wax jim nak ne wa alayka ak ci sa kaw non manam limi tek moy huwa manam uluu kawe al inayat guko manam ak jappandal manam moy jox moy assistance wala assistance ak jox importance jox yitte wala yaani mi ngi ni ci namne an al haqq nak bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala nam sa ngam gatch ngalam wa ta'ala takana atana dafa ja am yitte ak jappandal di nabi ci yenenbi sallallahu alaihi wa sallam bur yalla ci mom wa sallam dem dool ko mucc wa bis salat te ak ci julli la truk hein du baye wara yu fri tutu du eppal fi ha ci mom man du du sagane bok fi ha ci mom kama qala kem ni nga xamantene mam la yu fri tutu sagane kama qala kem ni nga xamantene mom la borom wax subhanahu fi ay ci ay bim nan wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizqa wa ma min dabbatin amul ben dabal daral du ko fil ard ci ko sus illa ala allahi ci ko yalla la nek rizqa wursugum manam yalla mo gaddu wursugum ci yitte wo ak importance bim jox mbir mom ba tax gaddu gis nga ala bobu lay tek mom ci kaw manam moko gaddu moko ndar gaddu deug manam suratul hud ay jurom ñet 6 bi muna yuridu mi ngi nam ne xokman ci atela go xamantene khatmahu khatamahu moko dogal waral ko ala nafsi ci kaw bopam yani mi ngi nam ne limi tek moy la yatruku du ko bayyi waka qawli ak kem wax bi nga xamno lo wax mom borom subhanahu wa ta'ala de gawe bi ayati wa alquran ba ci dess ne way da jaaka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi arrahma wa idha jaaka sayyihum den dikuna alladhina gaay nga xamne yu'minuna gem nañ bi ayatina suñu laay faqul wax len ne len salamun salamun jam alaykum na nek ci sen kaw manam waral na len ndax kataba dogal na rabbukum sen borom ala nafsihi ci kawam arrahmatu yurmunde yalla daf ko dogal faratal ko ci kaw kataba faratal na dogal ala nafsihi ci kawam arrahmatu yurmunde al aya mo ay bobu te mom moy suratul an'am aya 54 yani mi ngi ci nam ni anna hadha anki mbir mom tamat hukmun at la bo xamne hakama até wono bi ci mom al mom yalla ala nafsihi ci bopam la yumkinu du manul jappane manam mantane takhallufu di wute mbir mom waray ko sawarte lolou menefu ko imaginer manam xel munu ko japp kama kem ni nga xam tane qala mom lo xam mom borom subhanahu wa ta'ala ne ma yubaddalu du soppe ko al qawlu wax la day fi man wax jaddu soppe ko fi man sunu sotu qaf ay 29 kon lolou manam kon limi tekki fi kon manam bat wa alayka manam kon julli gi na nek lo xamantene dang koy garda jo na nek ci sa kaw manam moy nang koy garda jo nang koy yanu manam dogal ko ci sa kaw ni li man dama koy def sa su non lay tek manam kon ni ngi ñaan yalla nga julli ci yaronte sallallahu alayhi wasallam julli go xamne dang koy teggo li mom mako teggo sasona ko wala lolou lay tek ya wala sasona ko manam yalla mo sason ne comme nim ko waxe ni amul ben dara luy dukkat ci souf ci lulul ne yalla mo saso nga dajjo la wursugum lolou am lolou moko moko wala ak tamit manam moy dafa dogal ci bopom manam atté ci kaw bopom ni li mo mako mako def et que atté la bo xamantene dumako du ñak dumako du wuté te faw day am faw dama koy def ndiki nonu muy wax ne sulu gaay nga xam manam kon yalla kataba rabbukum ala nafsihi rahma manam yalla dafa dogal ci kawam yeurmande manam ni day yeurum ni dafa yeurum minde fami parce que lool motax nga gis ne yeurumande nek ci sa lool tax même yi nga xamne motax exception bi manam moy problème mom moy information en fait jamm amna kenn duko wax kenn duko voilà nit ki dama seeti diw parce que dafa febar pas parce que amul parce que dara ñutuko manam voilà moi je ça c'est fini diw parce que voilà voilà niki nonu bu may c'est à dire que bu nit ki febaré dañ nan ko fan moy metti parce que xam nañ ni li yaram bi di riri manam limi am walu yu wuti yépp ci ciossar moy fepp ba amna fip wirna mais dafa am ben parti bu metti ci mom voilà c'est à dire que donc ak yenen ak yenen bu manam buñu joxe information fim tollu amna rew yu beuri ak kenn waxul seen information kenn waxu ci dara mais fu xex am guerre am fofof lañuy wax parce que ciossane bi moy jamm moy am lool moy ciossane et que natou yi motax yi ñi wax ne nat yi bala yi ñoo upp jamm yi lool amul na lool amul na yeurumande gi moy ciossane voilà se yeurumande jitu say mer ya lambo mbugal ya okay. Sabaqat rahmati khadami mom la hadith bi wa hadith kursi bi sama yermale mo jitu sama met voilà xewul yalla fim tolu nit ki motax lool la manam lolu c'est important manam et que même parce que yermale yalla ak jamm manam ak xewulam nga gis ni mo gëna yaat fim tolu bu amé rew mo xamné dafa bécor tawul dañ koy wax dañ nan rew sangam dé bécor amna fa tawul manam kenn du wax né rew sangam mom taw bi tay norm ren normal la duñ ko joxe information do sé dal télé di xaar ñu nan rew sangam et tay que taw bi normal la wala taw bi fort ba yaat comme ñu ko gisé Montpellier ñu di ko wax nan taw diomb bi dé wala taw dafa dem ba nga xamanteni da yaq ay ki ak yoy wala parce que lolu du ciosan li normal moy affaire yi jamm manam li nga xamanteni mom moy li normal moy jamm di am xewal di am yiw di am manam et cetera wala lolu la motax kenn du ko joxe information parce que buñ doon joxe lolu information buñ fi jox voilà. mais voilà. voilà. Donc lool mom la et que natou yi même ci sa dundou boko xolé yow yi ngay ki nit ki dafa nek ci natou wala dafa am ay problème wala dafa ki lool nonou du ciossane li normal moy amo problème wër nga amo natou amo parce que natou yi dañé bi ñëw certes mais dafa minime par rapport ak li dess ci li la concerne de telle sorte que lool du information c'est-à-dire que voilà tay fim toll bo gënné ci mbéd mi c'est rare ñu gënné ci mbéd mi and ak na nit ku ne amna problème té problème yoy yërmëna yalla da ci laqatu en plus mais malgré lool du c'est rare nga gis rombu nit ci mbedd mi and nga jël métro wacc jël tram wacc jël bus wacc dugg centre commercial dugg fu la neex dem delusi ñu ne la ñi nga tassel ñep ñaata nit nga ci gis ni ñi mom dama leen di xol xamni ki dafa am problème lool du bari and ak ne ñepp am problème voilà c'est parce que liko concerné ci jëm bopam moy yërmëndigi mo upp moy ciossam c'est ça lool moy ciossam voilà melul comme ñuko ñu bëri di waxé wala ñëmé né yërmënde yi day wacc du bëri tout temps et que yërmënde yoyu ki nu du bëggal yi wala ay xéti natou yi ki nangam et que nit ñi ci lañ dëkk ci lañ lat non nit ñi labu ñu ci natou hein dédé ci xéewal ak fiix ak jamm ak yërmënde ci lañu lat sauf que de temps en temps natou dal leen lool la wala bok natou dina len dal même boudé saxna natou bi saxna mais ci lenn lay concerner ci seen bir soit seen wir gu yaram la concerner wala mu concerner seen am wala mu concerner seen wa mais dal du concerner lo lepp li aju ci ñom lepp du teug voilà lepp lu aju ci ñom rek natou bi dal ko dedet souvent di nga gis nit ko xamantene pauvre mais day wir di dox soxla diki leen nga gis nit ko xamantene mom dafa febar mais am na mbok ay mbokam ñi ngi fi diko wër diko jappalé amna alal et cetera wala bok en tout cas même bu amul alal jumu ci amna en tout cas lo xamantene mom mën na ci ndéki et cetera manam do gis manam c'est extrêmement et puis c'est extrêmement rare nga gis nit ko xamantene par exemple dafa dé parce que tout simplement dafa xif ba dé wala dafa mar ba dé lolou c'est extrêmement rare voilà nit ki xif la ba dé kokou souvent do koy di dégg voilà et cetera kon yeurmene mo gis nga lim wax né yeurmene dako tek ci bop lolou deug la OK voilà alhamdullah lolou motax mune la lolou mbir la mo xamantene manul soppe du muntene te munuñu ko te lolou manam am xel ci bop moko dul mana yanu am xel mo yanuul ne par exemple nit ñi dañuy dund ci sawara ñepp dund ci sawara tout temps ñu nekk ci sawara lolou munta ne xel moko yanuul xam nga bu doon yeurumandi bu doon ne mbugal mo jitu meram kon buñ bindé aduna bi ni daf koy bindu mu nek sawara en même temps c'est à dire que ce qui fait que ko am un petit moment de répit ci lu ndaw rek kokou moy mom kokou lolu moy nek information bu boba et nit ñi ci sawara lañ dëkk mais non aduna bi déwé wu non voilà même STF bi nga xamné ap day nan cet sangara la mandicap le ki nangam am même koku sax dang koy gis né manam malgré que mi ngi ci problème yoyu non yépp mais ce problème là est relatif le fou relatif trop par rapport ak mom deug deug réalité parce que boko xolé au moins bu heure nelaw jotté dana nelaw su don deug problème bu mag la du nelaw du mu nelaw voilà bu dene nelaw après yew te mi ngi dund ba legui day respirer air yalla xagnou ko air en tout cas tout ce qui est vital lu munte ñak mom mi ngi ci ne mi ngi ko am fim toll lola way di dak kaas le simple fait que mu meuna joge keureum ñew ba ci keur taxaw dila kaasal affaire bi lolu le simple fait bob moy wane ni nekul deug deug ci problème parce que su nekkon ci véritable problème manam bi nga xamantene mom manam pronostic vital la affaire bi kon du mun def lolu du mun jig diko netali wala mu koy wax wala yoy le fait que muy romb nit ñi te duñ ko xam lolu rek déjà ben problème ben yeurmu ni gu mak la parce que sinon en fait ce qui veut dire que les gars manam peut-être que même grawna mais manam relativement grawna mais ki wul du gagner gagnou ko dal de la bego wa su ko don gagne affaire bi du demé non wa te que yalla mom du soppi waxam et que de toute façon non la mbir ni demé ñu yom bo inshallah bu jotta bi ñu wallahu ta'ala wa sallallahu sayyidina muhammad wa ala sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin